réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment, 6 heures? Nous sommes le mercredi 23 décembre 2015. Super bonjour à tout le monde. Depuis lundi, nous parlons des super-héros dans les jeux vidéo avec l'universitaire Alexis Blanchet, ça. Et ceci dans le cadre d'une semaine consacrée aux super-héros sur France Culture. Dans un instant, troisième épisode où on se rendra compte que être super-héros dans le jeu vidéo, c'est très souvent être un anti-héros. Et puis en deuxième partie, cinéma avec un film que je vous recommande vivement, qui sort aujourd'hui d'ailleurs, La Montagne Magique. More powerful than a locomotive. Able to leap tall buildings at a single bound. Look, up in the sky, it's a bird. It's a plane. It's Superman. Les super-héros dans les jeux vidéo. Alexis Blanchet, enseignant chercheur, maître de conférence à la Sorbonne. Bonjour, troisième épisode. Bonjour Tofik. Est-ce qu'on peut dire que les méchants, comme au cinéma d'ailleurs, ont le beau rôle dans les jeux vidéo? Est-ce qu'il faut être un anti-héros aujourd'hui pour être un super-héros? En tout cas, l'anti-héros, il va permettre peut-être d'aborder de nouvelles manières de penser le jeu. On pourrait peut-être faire remonter la première figure d'anti-héros à un jeu de 1982, qui est un jeu qui est édité sur console Atari et qui s'appelle Custer's Revenge, c'est-à-dire la revanche du général Custer. C'est un jeu qui va faire polémique à l'époque, puisque à l'issue de la partie, qui est une sorte de jeu de plateforme sur lequel le joueur dirige un avatar qui évolue de la gauche vers la droite de l'écran sur des wagons de train, il me semble. À l'issue de la partie, le général Custer fait face à une Amérindienne nue et la partie se conclut par le viol de l'Amérindienne par le général Custer. Tout ça est bien évidemment figuré avec des graphismes de 1982, c'est-à-dire 8 couleurs, quelques sprites de quelques pixels de haut pour figurer l'ensemble des éléments. Alors, ce jeu-là, peut-être simplement pour le recontextualiser, il est fait par une entreprise qui s'appelle Mystic, à un moment où s'est développé un secteur de l'édition sur console qu'on appelle le secteur tiers ou third party éditeur, c'est-à-dire des éditeurs qui ne sont pas liés aux fabricants et aux constructeurs de machines de jeux. Il y a eu une sécession chez Atari, des développeurs sont partis, ils en avaient marre de travailler sans que leur travail soit reconnu. Ils ont monté une structure qui s'appelle Activision, qui est un studio qu'on connaît bien aujourd'hui, et ils ont obtenu le droit, le législateur a reconnu qu'ils avaient le droit de développer sur des machines tiers. Et donc, Mystic, ce petit éditeur, va sortir ce jeu un peu pornographique. D'ailleurs, il est marqué Swedish Porn sur la cartouche et sur la jaquette du jeu. Et c'était quoi l'idée? C'était personne n'a osé le mauvais genre dans le jeu vidéo. Allons-y. L'idée, c'est que c'est un moment où le secteur de la console domestique, parce qu'on est vraiment sur les cartouches qu'on joue sur ces consoles où on peut en ficher différentes cartouches dans la même machine. Ce marché a explosé aux États-Unis. Atari est leader avec une machine qui s'appelle l'Atari 2600, mais des fabricants de jouets comme Mattel ou Coleco ont rejoint ce secteur-là. Et les éditeurs tiers se disent, finalement, voilà un nouvel Eldorado, on va pouvoir sortir à peu près tout ce qu'on veut, et ça se vendra. Et pour essayer de se vendre plus, il faut se faire remarquer, et c'est le choix éditorial que fait cette entreprise, c'est-à-dire d'aller sur un humour assez potache, assez sexiste également, et d'essayer de marquer les esprits autour de ce personnage, le général Custer, et de cette polémique qui va naître sur la représentation de l'amérindienne dans le jeu. C'est-à-dire que d'une part les associations féministes américaines, mais également les comités de défense des Amérindiens vont s'élever contre le contenu de ce jeu. Une polémique va être assez nourrie en 1982, mais le jeu va tout de même être vendu à 80 000 exemplaires. Hein, donc au grand bonheur des concepteurs. Au grand bonheur du concepteur et des concepteurs de jeux vidéo qui vont très vite apprendre que la polémique, elle est finalement assez intéressante parfois pour vendre des jeux vidéo. Alors, il y a un autre personnage assez intéressant au milieu des années 80 qui s'appelle Leisure Suit Larry. C'est un personnage qui est le héros ou l'anti-héros d'un jeu d'aventure, un jeu d'aventure de type aventure textuelle et graphique où le joueur doit déplacer son personnage à l'écran, doit essayer de trouver de sortir de différents types de situations. Il y a plusieurs jeux qui sont édités entre 1987 et 1993. Le personnage s'appelle donc Larry Laffer. C'est un ancien informaticien, un peu geek, puceau. Tout l'enjeu, c'est de permettre à ce quadragénaire de coucher avec une femme. Et donc, bien évidemment, avec beaucoup d'ironie, beaucoup de moquerie sur ce personnage, son manque de charisme, son incapacité à trouver les bonnes formules pour séduire des jeunes femmes. Et le jeu va être développé jusqu'au début des années 90. Ou même le traitement graphique du jeu est très inspiré du cartoon au début des années 90 avec des animations assez soignées qui font en partie la réputation du jeu. Puisque vous parlez des influences, Alexis Blanchet, est-ce qu'on peut parler de jeux qui correspondent à l'époque où ils ont été conçus ? Est-ce qu'ils nous disent des choses de l'Amérique des années Reagan ? Ah, Leisure Suit à Larry, son titre même, hein, Leisure Suit, c'est le nom de ces costumes très typiques de la fin des années 70 et qui, dans les années 80, paraissent un petit peu démodés, qui sont ces tenues, vestes et pantalons uniformes. Il y a bien évidemment quelque chose d'assez moqueur de la part du jeu sur les salariés américains, sur une génération de quadras un petit peu paumés, sur qu'est-ce que c'est que la réussite, sur les errements de la sexualité à l'époque du sida, etc. Enfin, il y a vraiment pas mal de questions, d'une certaine façon, qui sont traitées par ces jeux. Et les capacités techniques, graphiques et sonores des jeux évoluant, hein, c'est-à-dire que un jeu de 82 et un jeu de 87, il y a un fossé technique incroyable hein, entre en 5 ans qui a pu se produire au niveau des capacités des micro-ordinateurs qui permettent ou des consoles de jeux qui permettent de jouer à ces jeux, vont permettre aux créateurs de parfois pousser plus loin des questions autour de la critique sociale ou d'une certaine représentation de la société américaine ou de la société japonaise si on se tourne vers la production nippon de jeux à l'époque. Alors, l'autre grande vague d'anti-héros qu'on va voir apparaître, c'est au moment où se développe un genre de jeu qui est le jeu de combat à deux joueurs, ce qu'on appelle aujourd'hui le versus fighting, ce que les adolescents des années 90 appelaient le jeu de baston, dont l'un des plus grands succès, un des jeux les plus connus est sûrement Street Fighter 2, puisque ici, on a ce qu'on appelle un roster de personnages, c'est-à-dire une sélection de personnages que le joueur va pouvoir sélectionner, et dans ces personnages, il y a certains personnages qui sont ce qu'on appellerait des bad boys ou des bad guys, si on pense à Zangief, le lutteur russe, au moment où vient de tomber tout juste le mur de Berlin, mais le lutteur communiste qui affronte le militaire américain, Gail, qui affronte des judokas ou des karatékas japonais et américains. On a un personnage de monstre qui est Blanca. Donc on a toute une série de personnages et le plaisir du joueur, ça va être d'interpréter à travers le jeu un personnage un peu violent, un peu vif dans ses prises de parole. Le bon rôle, quoi. Voilà, d'avoir le plaisir d'interpréter un mauvais rôle. On avait de grands débats quand on était adolescent dans les années 90 sur le choix de deux personnages dans Street Fighter. L'un, c'est Ken en costume rouge, l'autre, c'est Ryu en costume blanc. Techniquement, les deux personnages ont le même gameplay. Ils se jouent de la même manière. Ils ont les mêmes coups, à quelques différences de couleur près, mais ils se jouent de la même manière. Qu'est-ce qui fait qu'on va choisir l'un ou l'autre ? Eh bien, avec Ryu, on a le costume blanc, la droiture, le personnage qui a une noble cause pour aller se battre. Oui, cavalier blanc, oui. Voilà. Et avec Ken, on a un personnage arrogant, on a un personnage qui cherche la réussite personnelle, qui cherche à écraser les autres, qui est extrêmement vif lorsqu'il prend la parole après avoir battu un personnage. On a un petit échange de dialogue qui conclut le combat après la défaite ou la victoire. Et bien évidemment, il y a toujours une discussion. La presse d'ailleurs à l'époque s'en amuse. Qui préférez-vous interpréter? Et bien évidemment, l'idée c'est plus drôle d'interpréter Ken, qui est un petit peu plus méchant, un petit peu plus, qui a un peu plus de relief, que le très sympathique mais très lisse finalement Ryu. Est-ce que ces personnages, héros ou anti-héros, vont être récupérés par les hommes politiques, par les appareils, les grandes entreprises industrielles elles-mêmes liées à des pouvoirs politiques? Est-ce qu'on peut parler de récupération de ces super-héros comme on l'a peut-être fait, comme on l'a fait pour le cinéma? Je dirais que la manière dont le politique intervient dans ces jeux vidéo, c'est très souvent sous la thématique de la violence, parce que dès lors que vous avez des personnages dont la morale peut être discutée, dont les actes peuvent être discutés, on a quelque chose qui est de l'ordre d'une panique morale qui se crée autour de ces personnages, et le politique s'en empare très rapidement, parce que le jeu vidéo est un secteur assez jeune, qu'il s'adresse particulièrement dans les années 80, au moment où Nintendo of America va un petit peu réorienter le jeu vidéo vers un public d'enfants et d'adolescents, à un public jeune, donc un public qu'on considère être plus en danger qu'un public d'adultes. Et donc, très souvent, des jeux qui proposent des anti-héros, je pense à Mortal Kombat, je pense à Doom, je pense à Grand Theft Auto, GTA, la simulation de gangsters de la fin des années 90 et du début des années 2000, eh bien, c'est très souvent les jeux qui vont être au cœur des polémiques. On va discuter des éléments moraux, de la question de la violence, on est très souvent sur l'hypothèse d'un média prescriptif, c'est-à-dire un média qui apprendrait aux joueurs des manières de se comporter et que le joueur risquerait de reproduire dans la vie réelle. Est-ce qu'il y a la censure? Est-ce qu'il y a une certaine forme de censure pour les jeux vidéo? Alors, il y a une forme d'autorégulation, c'est-à-dire que le secteur, particulièrement dans des pays un peu sensibles à ces questions-là, on pense à l'Amérique du Nord, on pense aussi en Europe à l'Allemagne, le secteur va essayer de s'autoréguler pour pas affronter trop frontalement les pouvoirs public. Aux États-Unis, dès la fin des années 80, début des années 90, on a un système de ratings, un système de classification qui va... Comme pour le cinéma, mais qui n'est pas un système qui oblige. C'est une indication qui est donnée sur est-ce qu'il est fait mention de drogue dans les jeux, est-ce qu'il y a des propos qui peuvent choquer le niveau de violence, etc. On a le PEGI qui s'est mis en place à la fin des années 90, au début des années 2000 en Europe, qui est également un système de classification. Et donc le secteur lui-même va faire plutôt le choix de l'affrontement, le choix de l'autorégulation, en même temps que certains éditeurs, et on en parlait précédemment, vont aussi parfois jouer sur l'odeur de soufre que dégage leur jeu. C'est-à-dire que chez Rockstar, le studio qui développe GTA, Grand Theft Auto, il y a toujours eu une volonté, et d'ailleurs en utilisant les services de spécialistes d'un marketing un petit peu agressif, d'un marketing qui sait jouer avec des fausses informations pour travailler avec la presse populaire, etc. Et pour faire monter un petit peu le scandale autour du jeu. J'ai joué au jeu et j'ai commis un crime après en partant d'une fausse histoire, par exemple pour GTA. Et pour créer, puisqu'on a vu que ça rapportait souvent beaucoup au jeu, pour créer une sorte de ce qu'on appellerait un buzz aujourd'hui autour du jeu, qui mette la lumière sur le jeu et participe à sa promotion. Alexis Blanchet, est-ce qu'on a un exemple d'un jeu vidéo interdit ? Un jeu vidéo interdit, vous avez eu au début des années 90 en France des jeux vidéo néo-nazis, par exemple, qui étaient adaptés de jeux qui passaient la frontière de l'Allemagne vers la France. Ça a fait une polémique à l'époque. On s'est beaucoup inquiété de l'apparition de ce jeu-là dans certains cercles. Et en tout cas, c'était pas des jeux qui étaient édités, mais c'est des jeux qui étaient plutôt qu'on se passait sous le manteau et dans lequel on devait gérer un camp de concentration ou des choses comme ça. La première polémique autour des jeux vidéo, elle remonte quand même à 1976, donc c'est dire assez tôt, et elle concerne un jeu qui est inspiré d'un film de cinéma qui s'appelle Death Race 2000. Le jeu s'appelle Death Race, et c'est un jeu dans lequel le joueur pilote une voiture qui écrase des piétons et engrange des points en écrasant des piétons. C'est un jeu graphiquement, il faut vraiment deviner que c'est ça, puisque c'est quelques petits pixels qui se courent les uns après les autres, et le jeu est inspiré d'un film produit par Roger Corman, qui est un film qui critique la télévision, qui est une critique du monde de la télévision, dans lequel une grande course qui traverse les États-Unis, où les concurrents sont sans foi ni loi, et la violence du film est bien plus importante que celle du jeu vidéo. Mais elle est contextualisée dans le film. Elle est contextualisée dans le film, mais les développeurs du jeu disent, regardez, nous on n'a jamais dit qu'on écrasait des piétons, pedestrians, mais on écrase des gremlins. Alors pas les gremlins des films de Joe Dante, ils n'existent pas encore, mais les gremlins au sens de ce qu'on pourrait appeler un troll ou un gobelin ou quelque chose comme ça. Les super-héros dans les jeux vidéo, c'est une série avec Alexis Blanchet toute cette semaine. Demain, on parlera de la guerre. Ouais, la guerre au virtuel. Les héros dans les jeux vidéo de guerre. Si vous voulez rattraper les épisodes précédents, une seule adresse, franceculture.fr. Et puis d'ailleurs, sur franceculture.fr, et parce que c'est une semaine consacrée aux super-héros sur France Culture, vous trouverez aussi un abécédaire numérique des personnages du fiction d'hier et d'aujourd'hui, dépeints au micro par des grandes voix de la vie des idées ou des personnalités culturelles. Par exemple, Alice au Pays des Merveilles par Jacques Lacan, ou Madame Bovary par Isabelle Huppert, ou encore Don Quichotte par Michel Foucault. On se retrouve demain, Alexis Blanchet. À demain. France Culture. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. L'invité culturel. Mon histoire finit là où elle a commencé. À la montagne. Ici, on se prend pour Dieu. J'avais des comptes à régler avec ma jeunesse quand j'ai quitté la Pologne en cachette. Cinéma aujourd'hui avec La Montagne Magique, sorte de film d'animation qui sort aujourd'hui et qu'on vous recommande vivement. La réalisatrice Anka Damian est avec nous ce matin, bonjour. Bonjour à vous. La Montagne Magique qui raconte une histoire que peu connue, du moins je la connaissais pas, celle d'un militant, d'un engagement, un alpiniste photographe polonais qui va aller combattre en Afghanistan avec les moudjahidines afghans contre les soviétiques dans les années 1980. Est-ce que Anka Damian, on peut parler de super-héros en parlant de votre personnage? Moi, je dirais plutôt, on parle d'un Don Quichotte. C'est quelqu'un qui veut changer le monde seul. Oui, si pour vous, quelqu'un qui a le rêve, le dérisoire d'un Don Quichotte et un super-héros, alors on peut dire comme ça. Mais sinon, c'est à vous de décider si est un gagnant. Parce que d'habitude, les héros de romans sont gagnants dans leur cœur, pas dans l'histoire. Alors, comment définiriez-vous ce personnage, Adam G. Winkler? Jacek Winkler. Oui. Adam Jacek Winkler, c'est le nom. Alors comment j'aurais... je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le film, il dit « Moi, je ressemblais à un bouc. » C'est un bouc, Kozolek Matolek, c'est un héros d'animation polonaise. Qui est plein de naïveté et de bonnes intentions et qui va à la lutte seul, sachant dans son cœur que c'est qu'il n'arrivera pas à faire grand chose, mais il ne veut pas vivre comme un lâche. Il veut vraiment être un héros. Il veut donner sa vie pour quelque chose. Moi, je pense que la définition, c'est difficile à donner parce qu'il est entre aventure, entre burlesque, entre poésie, tout ça se mêle, l'ironie, l'auto-ironie, le cynisme, tout ça, c'est le paquet d'un héros romantique, vraiment, parce que c'est un personnage vraiment romantique dans son cœur, qui voit le monde comme en noir et blanc, il y a du bien et du mal, c'est pas... Il ne sépare pas, toutes les choses ne se mêlent pas. Ils sont soit, et pour lui, le mal sont les soviétiques, et alors il va à la guerre contre les soviétiques, même si pour ça il doit aller en Afghanistan. Pour revenir un peu en arrière, ce film est une part d'une trilogie qui parle de l'héroïsme. Moi, j'ai dit l'héroïsme, c'est le point auquel quelqu'un dit « ma vie n'a aucune valeur sans quelque chose ». Le premier film, « Le voyage de M. Krulik », était discuté ce thème au niveau inconscient. Mon personnage n'a pas voulu son vérité, il a donné sa vie pour son vérité. Alors, j'ai voulu le deuxième volet de ce triptyque. Quelqu'un qui veut être un héros, pour lui, sa vie, il ne vaut pas la peine de le vivre sans faire quelque chose, sans signifier quelque chose, même s'il sait que, étant un individualiste, il sait que le dérisoire est derrière cette illusion, mais en même temps, il ne peut pas s'arrêter à rêver. À faire quelque chose, à prendre la lutte contre les soviétiques. Les soviétiques sont les méchants. Et il ne voulait pas vivre et mourir dans son pyjama chez lui. Il voulait vraiment faire quelque chose avec sa vie. Et comme il disait aussi dans le film, je n'ai pas peur de mourir, mais j'ai peur de mourir bêtement. Mais vous êtes toujours avec cette bienveillance, vous le suivez parce que tout est fait avec des dessins naïfs, comme s'il fallait rentrer dans la naïveté du personnage et lui donner finalement le beau rôle. Si vous voulez, moi je dois aimer mes personnages quand je fais un film. J'aimais beaucoup son individualisme, j'aimais beaucoup sa détermination de donner un sens à sa vie. Bien sûr que pour moi, les guerres n'apportent rien. Je ne peux pas m'identifier avec lui dans son désir d'aller à la lutte. On ne vit plus dans un monde où les dragons, c'est le monde de contes quand on finit le mal par faire mourir le dragon. Pour moi, bien sûr, que comme toute cette période de guerre, c'était aussi une façon pour lui de se relever que la mort est partout et qu'on n'arrive à rien. Et c'était plus important, ce deuxième niveau, que la guerre signifie vraiment la mort. Il n'a pas une autre signification. Et c'est un film d'animation avec une technique très spéciale. Alors, est-ce que c'est avec toutes les techniques. Non, mais alors, c'est quoi? C'est l'école française, c'est l'école polonaise ou c'est l'école roumaine? Moi, je dirais, moi, je me donne la liberté de faire le film comme je sens. Et cette fois-ci, comme le sujet était éclectique, mm-hmm. et apportait plusieurs émotions. J'ai utilisé la technique qui était la plus proche de chaque séquence. Et en même temps, je ne dirais pas que c'est l'école, plutôt l'école roumaine qui n'est pas vraiment une école d'animation. Mmh. Parce qu'en Roumanie, moi, j'ai fait les deux films de long métrage d'animation et sont les seuls films dans les dernières 20 années. Mmh. Alors, vous vous imaginez que je suis venue sur un terrain presque vide. J'ai essayé de me prendre la liberté de faire les choses de ma manière. Et aussi, par rapport au langage du cinéma, moi, je trouve que le langage du cinéma n'a qu'à gagner par l'animation. Et donc, votre Don Quichotte, comme vous dites, oui. Alpiniste photographe polonais qui va s'engager dans le djihad en Afghanistan contre les soviétiques... Alors, s'engage dans la lutte, ouais. c'est plutôt une lutte contre l'armée rouge. Ouais. Parce que. Mais ça s'appelait le djihad déjà. La lutte contre. Contre l'occupant soviétique dans les années 80. C'est la voix de Jean-Marc Barr pour la version en anglais et de Christophe Miossec pour la version en français. Pourquoi Miossec l'avait choisi? Parce que c'est une voix très particulière, parce que c'est un chanteur qui est surtout très, très individualiste comme un personnage, très spécial et qui n'est pas un acteur. Et n'étant pas un acteur, alors trouver la vérité avec lui, c'est plus facile. La montagne magique, votre film, en cas d'amiant, sort aujourd'hui. C'était la première fois de ma vie que je ressemblais à ce dont j'avais toujours rêvé d'être. Un chevalier. Vous allez nous faire le générique de fin. C'était Un autre jour est possible, votre réveil culturel, une émission de... C'est pas grave si vous... Ce n'est pas grave si vous prononcez mal, mais enfin... Non, non, je ne prononcerai jamais mon nom, allez-y. Comment vous le lisez? Tufik Harem. Ben voilà, tout va bien. Hakem. C'est bien. Bravo. Pour ceux qui se lèvent tôt et qui écoutent la bonne radio, les lèvent pas tôt peuvent écouter ce programme en s'abonnant au podcast de l'émission disponible sur franceculture.fr. Un autre jour est possible à être préparé avec Anaïs Isbert, Pascaline Bonnet et Thomas Duterre. Et demain, on se retrouve pour notre série « Les super-héros dans les jeux vidéo » avec Alexis Blanchet en première partie. En deuxième partie, je recevrai le réalisateur colombien Ciro Guerra pour la sortie de son film aujourd'hui. Également, en même temps que La montagne magique d'Anka Damian, il s'agit de L'étreinte du serpent, un autre film qu'on vous recommande vivement. Bonne matinée sur France Culture, à demain.